Bienvenue donc sur les ondes hertziennes. Donc sur Canal Sud 92.2 FM, c'est le premier vendredi du mois, le mois donc de mars 2011, et c'est le vernissage, comme vous pouvez le voir peut-être dans les locaux de Canal Sud, le 40 rue Alfred Duméril, si vous n'écoutez pas à l'instant précis, puisque vous seriez donc en train d'écouter votre poste chez vous. Mais en l'occurrence, il y a un saxophone qui joue. Et du monde. Un peu de monde qui fait du bruit, donc. Du bruit, ça tombe bien parce que c'est l'émission Nuisance qui commence. Nous sommes le 4 mars 2011. Et je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Canal Sud 92.2 FM ou sur le canalsud.net, netien, donc. Thème de ce soir, donc un gros brouhaha silencieux. Le plaisir est toujours aussi intense d'écouter du bruit de fond donc. Du bruit de fond, de salle. Noir. Du bruit du fond de la salle noire. C'est quoi ces ondes? C'est quoi cet enfer? De quoi on parle? Non, vraiment. Je me demandais justement de quoi on parlait. Et ça en vient toujours au même, n'est-ce pas? On comprend rien. On comprend rien. On comprend rien. Quoique, toujours le brouhaha en fond, donc comme vous savez peut-être, Canal Sud est une radio, mais également une salle d'exposition. 40 rue Alfred Duméril au 31400 Toulouse, France. Et pendant ce temps, donc, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées dans le sens des aiguilles d'une montre à l'envers, ou son contraire. Malgré un exponentiel savoir-faire, l'équilibre est toujours disrompu par les advertances. Et j'ai failli taper la cendre de ma cigarette dans mon verre de vin. Ce qui eût pu être grave. Je suis à plat. Je suis à plat ventre. J'ai mal sous les paupières. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. bonjour pour mourir. Dead, I said. You're already rotting in hell. Are you stupid or something? Do you hear what I'm saying? Don't you hear what I'm saying to you? You're dead already. Thank you. So as I was saying, there's another way to out of here. So it's the same way out, but it's just a different way out of here. I mean, the here is different. Et il y a de la lumière partout. De la lumière donc qui éclaire la vision de la nuit que l'on a. La lumière est donc partout dans les studios de Canal Sud. 112.2 ou canalsud.net. Si vous ne le saviez pas déjà.

Rock'n'roll. N'oublions pas le motto de toute radio qui se prévaut de être peut-être. N'oublions pas. Tapez votre cendre dans les cendriers, s'il vous plaît. Tapez votre cendre dans les cendriers. Comprenez donc Coco, Tango, Charlie, Zulu. Tango, Charlie, Zulu. Rien. So the guy came up with a gun and shot me in the face. And as I was saying, the guy shot me in the face and I was dead. I was just lying there in blood. There was blood everywhere and I was just spitting out gore and blood and shit. And as I was dying on the floor, I forgot about God, I forgot about you, I forgot about me, I forgot about anything at all. I just forgot about myself and died there like a stupid dumb shit motherfucker I am. So as I was saying, a stupid dumb shit motherfucker I am, I just fucks you in the ass, so let me fuck it, I'm going to fuck. And as I was saying, there's always a stupid dumb fucker. Me, the fuck you in the ass, you stupid fucks. I've gotta be the stupidest fuck in the whole lot, cause I'm really, really stupid, you know. Even though you don't know, just trust me for that. On that. Donc, comme je disais la dernière fois que l'on m'a dit de ne pas être là, j'étais là, et ça s'est bien passé. Dans la merde, c'est bien passé. Ça va être. Ça s'en est allé. Ça s'en est allé. Ça s'en va et ça revient. Comme la merde dans ton chien. Triturez-vous la cervelle avec des pinces à épiler. Les souffrées, les peines mortelles, de la joie nauséabonde. Crevons les abcès purulents, lenteur de l'absolution. Mourir, plutôt mourir que tarder à venir. À en venir au geste ultime. Oh, souffrance quand tu nous tiens. As I was saying, the shit was fucking the whole high lot and it was fucking ass. And that's gotta be something I said just now. That's just gotta be it. So the whole time the guy was fucking me ass, I was like screaming, oh shit, motherfucker, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, please. Oh yes. Yes, baby, baby, baby, baby, baby. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, baby, baby, baby, baby, baby. Love is grand. Like a grand piano, I'll fuck you in the ass. We veux pas toucher ou enlever. Pourtant, l'horreur est toujours tergiversante. La merde avec notre propre merde qui se ressemble, s'assemble. Cassons la merde avec la merde. Avec mon caca, dans le même caca. La merde, c'est tout. C'est tout la merde. La merde, c'est tout. C'est tout la merde. La merde, c'est tout comme un truc bad qui sort de ton trou du cul. Tu me fais chier. Oh putain, je crois que je vais gerber. Putain, ça craint. Bordel de merde. Je crois vraiment que je vais vomir. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes sur des antennes en train de mercener d'une antenne radio pas comme toutes les autres. Car unique en son genre. La radio. Libre par excellence. À Toulouse. Je dois le dire. Il est l'heure donc d'annoncer que vous êtes en train d'écouter les ondes de Canal Sud et 92.2 FM ou Canal Sud.net. Et c'est l'émission Nuisance donc, qui vous accueille tous les vendredis de 21h à 23h pour vous emmerder. De la scène étant permanente dans cette émission, nous ne ferons qu'avec. C'est l'horreur. Vous êtes sur Canal Sud, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'émission Nuisance que vous écoutez à présent est une émission consacrée au brutisme. Le brutisme, donc un mouvement artistique futuriste, vous aurez tendance à trouver le son qui passe à l'antenne pendant le laps de temps qu'on investit les studios nos Nuisances, entre 21h et 23h, donc le vendredi, tout le vendredi. Eh bien, figurez-vous que pour vous nuire à tous nos fans, nous allons arrêter Nuisance maintenant. Parce que on a un coup de barre monumental et en plus il y a du monde et du truc à boire et à bouffer. Et donc on va vous lâcher comme des miséreux sur cette terre avec de la belle musique, de la musique douce. Comme nous chantaient nos mamans quand on était dans leur ventre, elles nous chantaient des chansons. Eh bien Nuisance ne chante pas ces chansons-là. Mais bon, pour une fois, vous aurez droit à une chanson. Eh bien, une chanson pour vous, spéciale dédicace à tous les auditeurs de Canal Sud. Au revoir.